Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Här är några föremål. Visa mig var de ligger. Här är några föremål. Visa mig var de ligger. Montrez-moi où est l'enveloppe. Visa mig var kuvertet är. Visa mig var kuvertet är. Montrez-moi où est la clé. Visa mig var nyckeln är. Visa mig var nyckeln är. Montrez-moi où est le rasoir. Visa mig var rakhyveln är. Visa mig var rakhyveln är. Montrez-moi où est le verre. Visa mig var glaset är. Visa mig var glaset är. Montrez-moi où est le crayon. Visa mig var pennan är. Visa mig var pennan är. Montrez-moi où est le téléphone. Visa mig var telefonen är. Visa mig var telefonen är. Montrez-moi où est la montre. Visa mig var armbandsuret är. Visa mig var armbandsuret är. Montrez-moi où sont les ciseaux. Visa mig var saxen är. Visa mig var saxen är. Montrez-moi où est le peigne. Visa mig var kammen är. Visa mig var kammen är. Montrez-moi où sont les lunettes. Visa mig var glasögonen är. Visa mig var glasögonen är.